Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net. C'est ProNet. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de votre magasin Ferlac, qui est maintenant dépositaire de la marque Écotone. Surveillez nos différents circulaires pour voir les différents spéciaux dans les articles de pêche, de chasse, ainsi que le plein air. Le magasin Ferlac, au 727 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-3919. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour, bonjour tout le monde. Claude, aujourd'hui, tu veux nous parler de la remise du poisson à l'eau. Oui, ben, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je garde rien que les grosses, puis je remets les petites à l'eau. Mm. On va parler de la truite aujourd'hui, mais on parlera des autres espèces plus tard. Parce que okay. La truite a son importance, c'est que, premièrement, dites-vous que la truite, elle est hémophile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une truite qui saigne, elle n'arrêtera pas de saigner. Ouais. Donc, quand on prend un poisson, on le prend dans une certaine profondeur. Donc, si on demandait à des gens qui font de la plongée sous-marine, par exemple, comment ça fonctionne, les gens de plongée sous-marine vont dire il faut qu'on fasse des paliers de décompression pour, quand on passe d'en haut à descendre vers le bas, il faut qu'on arrête de temps en temps pour que notre système puisse se remettre. Et on fait exactement l'inverse quand on remonte vers la surface, pour pas monter trop vite, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle les malaises des profondeurs ou encore, si tu veux, des hautes tensions qui sont différentes. Donc, quand on change de pression, parce que plus on va dans le fond de l'eau, plus on a de la pression sur le corps, donc il y a une grande importance au niveau du poisson. Okay. Le poisson, on le prend dans une profondeur d'eau, puis là, on le remonte très rapidement à la surface, ce qui fait que ces poissons-là se battent. Je vais te donner un exemple. Dans le cas du masquinongé, il va développer dans son cerveau ce qu'on appelle de l'acide lactique. Et cet acide lactique-là, si tu contrôles pas ton poisson, si tu le remets à l'eau n'importe comment, il va mourir. Mmh. Une truite mouchetée que tu remets à l'eau, les gens disent, moi, mon père disait ça, il prenait une truite mouchetée à l'époque, quand elle était trop petite, il a tiré au bout de ses bras, puis il criait, va chez ta mère. Alors, on trouvait ça bien drôle à l'époque. Mmh. Mais quand on a commencé à faire des films avec mon fils Mathieu, on s'est rendu compte qu'on filmait des captures sous-marines où on mettait de l'eau, on mettait des poissons dans le fond, on remettait les poissons à l'eau, puis à l'aide de Mathieu qui était plongeur à l'époque, on faisait des séquences sous-marines où le poisson, une fois relâché, c'est vrai qu'il part très rapidement, il descend dans le fond complètement, donc il n'y a plus d'oxygène, puis quand il arrive au fond, il développe une pression, il s'installe sur le fond du lac, bien des fois, il va s'accrocher les nageoires après des brins d'herbe, il va essayer de respirer, mais il va se noyer. Donc, un poisson va se noyer. Il n'y a plus d'air dans le corps, puis il va mourir. Donc, ce poisson-là ne remontera pas systématiquement à la surface. Les gens disent, il a dû sauver, sans ça, on le verra flotter. Ben non, dites-vous que vous avez vidé ses poumons au moment où vous l'avez sorti de l'eau, en laissant se débattre. Puis quand vous l'avez relâché, lui, il est parti sur un réflexe, simplement un réflexe de survie, en descendant par une grande profondeur, mais sans avoir pris le temps de réoxygéner notre poisson. Okay. Si on veut absolument faire de la remise à l'eau, il n'y a rien qu'une méthode. Il n'y a pas 10 méthodes, il y en a une. Coupez le fil de l'hameçon, sortez pas le poisson de l'eau. Vous la trouvez trop petite, la truite. Coupez le monofilament. Ben non, les pêcheurs québécois sont bien trop cheap pour faire ça. Hey, on va être obligé de refaire un nœud, on va perdre 2 minutes, ça mord, imagine-toi donc, on va perdre de la truite. Ben non, on te donne une talle de petites, tu vas ramasser 22 petites, puis à trois fois que tu les retires à l'eau, ils meurent. Okay. Vous les gardez pas, les gars, ils meurent. Essayez pas de penser qu'ils mourront pas. Je vais le répéter une autre fois, ils meurent. Donc, toute la remise à l'eau, 90% des trucs qui sont mis à l'eau meurent. Donc, ça sert à rien de les remettre à l'eau. Gardez-les, vous les mangerez. Premièrement, les petites truites sont les meilleures. Ça cuit égal. Puis ça se mange comme des ailes de poulet. C'est très bon, hein? C'est très, très bon. C'est les meilleurs. Quand on prend une grosse truite, quand on prend un géniteur, parce que là, on va parler du géniteur, une truite de 5 livres, c'est plus rendu un géniteur. C'est rendu un gars comme moi, 66 ans, t'es plus capable de faire d'enfants. Donc, oui, t'es gros, t'es pas en santé. Puis, mais par contre, t'es beau. C'est le fun. Montrer ça au monde, c'est le fun. Une grosse truite, mais c'est pas la meilleure. Elle est bourrée de graisse, elle cuira pas égale, les flancs vont cuire plus vite, puis la chair va cuira pas pareil. La grosse truite a pas le même goût pantoute, pantoute. Ouais. Alors que la petite truite est intéressante, mais les gros géniteurs, c'est ceux-là que les gens gardent. C'est celles-là qu'ils veulent avoir. La truite d'une livre et demi, deux livres, ça, c'est les plus gros géniteurs. Et un poisson comme ça va donner 500 truites dans le lac annuellement. Mmh. Donc, si vous faites une pêche demain matin et vous ramassez votre panier de 20 truites de 2 livres, ben vous venez d'enlever 20 fois 500 truites, 10 000 truites dans le lac. Hey. C'est ça que vous avez enlevé. Puis une truite comme ça, ça ne se remet pas à l'eau comme ça. Il faut la mettre dans un filet à la surface de l'eau en lui laissant le temps de reprendre son oxygène. Et après ça, quand elle va être bien calme, vous baissez le filet et vous la laissez repartir. Mais si vous tirez une truite à l'eau, puis c'est pas vrai, là, c'est pas l'histoire des mains, là, puis du limon que vous enlevez sur le corps, puis de la moutarde, puis du ketchup, puis de l'huile sur les mains. C'est pas ça qui tue la truite. On tue la truite parce qu'elle a vidé son oxygène en montant, on la remet à l'eau sans l'avoir réoxygénée, et à ce moment-là, ça va mourir dans le fond. Donc, il y a juste le meilleur moyen, couper le fil de l'hameçon, là, c'est-à-dire un pied de fil, sortez la peau de l'eau et là, elle va repartir tranquillement et vous allez être capable de sauver vos poissons. C'est la seule façon. Bon. Ben ça fait le tour pour ce matin, Claude? Oui, ça fait le tour pour ce matin. On parlera du doré dans une prochaine chronique. Effectivement. Notre spécialiste de pêche, Claude Roy.